vient du fin fond du 12e arrondissement. Je suis l'Indien blond, je vis tout au fond du HLM de ciment. Je suis l'Indien blond, je descends du fond de mes rêves d'enfant. Assis sur mes talons, je guette un signe. Mes yeux percent le fond des bêtes indignes. Le soleil s'écrase en feu, il se répand comme un bagne sur les toits. Je ferme presque les yeux, je dessine les montagnes de mon doigt. Je suis l'Indien blond, je viens du fin fond du 12e arrondissement. Je suis l'Indien blond, je vis tout au fond du HLM de ciment. Couché près de mes chiens, j'attends l'étoile. J'accroche de mes mains un vent trop sale. Au loin, une usine crache comme un message de guerre, un appel. Moi j'ai reperdu ma hache et je creuse dans la terre, un appel. Je suis l'Indien blond, je viens du fin fond du 12e arrondissement. Blond, je vis tout au fond du HLM de ciment. Je suis l'Indien blond, je descends du fond de mes rêves.